On va parler du côté des. On va parler des aigles de Roberval. Les choses sérieuses doivent commencer à fin de semaine avec les aigles. On en parlait avec Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, je me trompe pas, c'est en fin de semaine hein, que vous commencez votre camp. Demain. Demain, ouais. Ouais, OK. demain, là, c'est une grosse journée pour nous, là. Au niveau de l'école, là, c'est une journée d'ouverture. C'est comme la rentrée scolaire chez nous, là, un petit peu 2, 3 semaines en retard, là. Il y a des gros événements tout au long de la journée. Et puis un tailgate, puis Eh hey, monsieur, c'est le quoi? premier match est à 10h45 demain C'est un contre les Lynx. showcase? Ce qu'on appelle un Non. showcase? Non, Non? c'est pas un showcase. Dans le fond, c'est vraiment une activité qu'on a faite, nous, avec l'école. Et puis, c'est un programme triple de nos 3 équipes. Là. Notre Benjamin joue à 10h45 contre les Lynx. Après, ensuite de ça, là, il va y avoir des jeux au travers du match. Et puis, à 13h, c'est le match cadet qui joue contre les Lynx, également en cadet division 2. Et puis, à 2h, c'est le juvénile qui prend l'action contre la Camaradière. Donc, une grosse journée là, pour nous demain, là, côté scolaire puis côté programme. Là, ça va être Est-ce le que fun. l'équipe, maintenant, c'est des choses sérieuses. C'est bien fun de camp d'entraînement, là, mais les choses sérieuses commencent, là, normalement. Ouais, exact. C'est chose sérieuse, mais en même temps, tu sais, on est au début de notre processus annuel. Et puis, tu sais, nos jeunes, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas joué, donc tu sais, c'est sûr que on leur a montré des choses, on a mis des choses en pratique. Maintenant, ça va être à eux autres d'appliquer. C'est sûr que on les sent qui graffinent, là. On sent qu'ils ont hâte de jouer là. Est-ce que tu crains vraiment les premières minutes? On dit tout le temps que ça fait longtemps ou une longue absence peut la première période ça peut être difficile. Est-ce que tu crains ça un petit peu pour demain? Ben, je crains ça puis pas. Tu sais, en même temps, on sont là pour jouer puis on les a mis en sont conditionnés pour ça. Puis, tu sais, je veux dire, la première période arrivera ce qui arrivera. Ça fait partie de leur apprentissage. Ça va arriver, ça, après les fêtes. Ça va faire longtemps qu'on n'aura pas joué. Ouais. Puis, tu sais, dans le calendrier, à un moment donné, on a un trou. Donc, tu sais, ça fait partie de ça. Puis, tu sais, demain, ça va être. Toute l'école va être ici pour venir voir les matchs. Fait que, tu sais, il va y avoir beaucoup de personnes. Ça va être stressant pour eux. C'est leur match d'ouverture. Tu sais, fait que, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qu'on appréhende. Mais en même temps, ça fait partie du bagage du hockeyeur. Donc, ils vont apprendre de ça. Puis, on va bâtir là-dessus pour les prochains événements stressants qui vont arriver au courant de la saison. OK. Autre chose à ajouter, Simon? Ben non, c'est vraiment là, une grosse fin de semaine. Notre cadet, notre Benjamin rejoue le lendemain, samedi, contre l'Odyssée Dominique Racine. Puis notre cadet, puis le juvénile part sur un programme double là, à Pointe-Lévis. Donc là, c'est vraiment le début de la saison. 2 matchs consécutifs avec voyagement. Donc là, c'est débuté, on a tout hâte, on est super excités, puis on a hâte à demain. Hey, je voulais te poser une question. Hier, j'ai eu une bonne discussion avec les entraîneurs de directeur, pardon, les entraîneurs et le président du hockey mineur de Boumsesni et directeur général de hockey Saint-Jean pour le hockey scolaire versus le hockey civil. Parce ouais. que il y a pas d'équipe actuellement des rapides de Boumsesni. Midget, on l'a sauvé une extrémiste, mais ce n'est que partie remise, d'après moi. Et eux autres ont comme dit, c'est. C'est sûr que les aigles de Roberval nous font mal. Ils nous arrivent tout le temps avec ça. Moi, je lui ai répondu. Ça fait longtemps qu'on entend parler que le hockey scolaire va remplacer le hockey civil. On est-tu rendu là? Est-ce qu'on est rendu à la croisée des chemins? Et là, il a dit pas. On ne sait pas si c'est nécessairement à la croisée des chemins, mais la question mérite d'être posée. Dans les prochaines années, vous allez certainement. Là, vous avez manqué votre coup concernant une autre équipe, mais l'an prochain, vous allez sûrement réappliquer. Donc, est-ce qu'on devrait tout se rasseoir puis finalement tout donner? L'autre, ce qu'ils disent en fait, c'est que c'est juste à Roberval, dans le fond, puis Delbault-Cessny n'aurait pas grand-chose. Fait que, comment tu vois ça, là? Ben, comment je vois ça? Dans le fond, nos catégories, dans le fond, on touche Pee-wee Bantam, Midget, là. Le Midget, aussi, là, au niveau du secteur nord, a été moins touché. Dans le fond, là, oui, on comprend, c'est Roberval, ça a été attribué par contre par la commission scolaire. C'est la commission ouais. scolaire qui a attribué que le hockey provincial de niveau scolaire se passait à Roberval. Et puis, tu sais, rendu là, ce n'est pas ma décision. Dans le fond, moi, je suis amené là pour gérer le programme et tout ça. C'est sûr que l'an dernier, on avait fait notre demande pour notre cadet D1, notre quatrième équipe. Puis on a été refusé. Puis par la suite, ben, on savait très bien ce qui allait se passer un petit peu. Il y a des jeunes qu'on allait retrancher de notre programme et puis qu'on voulait continuer de développer à l'intérieur. Tu sais, je veux dire, c'est une demande aussi des parents. Tu sais, ça devient c'est un tout inclus pour le parent, son volet scolaire, son volet académique, son volet glace est combiné dans l'ensemble de tout ça. Fait que l'offre de service plaît à certains parents. Et puis, c'est sûr que pour d'autres, ben, c'est différent. On avait essayé de créer un petit peu comme Arvida. Je lui ai parlé la dernière semaine qui avait créé un Bantam 2B hybride, eux. Ouais. Donc, moi, l'an dernier, j'avais parlé déjà avec la cellule régionale. J'avais parlé avec les différents présidents d'hockey mineur pour qu'on sentait venir, là, OK? Puis, fallait se regrouper ensemble. Puis, on a essayé d'aider par rapport à ça durant toute la dernière année. Depuis, il y avait encore de la neige l'an dernier quand j'ai discuté de ce volet-là. Puis, nous, le 18 août, fallait décider par rapport à nos équipes. Donc, les jeunes qu'on retranchait, on voulait leur dire où ce qu'il y avait une place où aller, mais les choses n'ont pas été faites. Les rencontres n'ont pas eu lieu, les décisions n'ont pas été prises, etc. Donc, c'est pas un blâme pour personne. C'est le thé pour tout le monde. Puis, dans le fond, c'était de lancer des idées. C'est des choses qu'on n'a jamais vues, là, d'un côté hybride, ouais. Plus comme Arvida de fait, là, dans le fond, une association entre le scolaire et le civil. Et puis, là, il n'y a pas de bantam double lettre présentement par rapport à l'offre de service. Et puis, c'est un petit peu au niveau des calibres aussi, tout bouge hein, avec le scolaire, ouais. Comme tu l'as dit, Danny, le Pee Wee 2B est différent d'il y a 2 ans. Il y a beaucoup de Benjamin qui jouent dans le Benjamin qui devrait être Pee Wee. Le Pee Wee double lettre, est-tu vraiment un Pee Wee double lettre? Donc, il y a tout sa par rapport à l'attribution du titre de l'équipe. Donc, c'est sûr qu'il faut se poser la question maintenant. Je sais pas moi qui a la réponse. J'essaie de trouver des solutions comme tout le monde. Mais je pense qu'il faut travailler ensemble et non se pointer du doigt. Parce que le hockey scolaire, quelque part, c'est l'avenir. Parce que combien de fois ce qui est arrivé, c'est que il y a des bénévoles, c'est des parents pas nécessairement formés, et ainsi de suite. Et finalement, qu'ils le font et qu'ils donnent du temps parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais écoute, c'est toujours la même affaire. Dans le hockey scolaire, c'est une structure, c'est bien organisé, puis ainsi de suite. Ben, Simon, on s'en parle jeudi prochain. Je veux rien que pour ajouter, puis ouais. je comprends aussi le point du hockey mineur qui dit ben, tu sais, on les développe, nous, depuis le MAG, et puis depuis le novice, et puis on les développe à tombe, puis quand ils arrivent à maturité, puis oui, Bantam, là, vous nous les enlevez, puis. Il s'en vient, tu sais, il y a ce côté-là aussi qui rend que certains hockey mineurs se disent, partout au Québec, se disent c'est une injustice, tu sais, c'est nous qui mêlons le temps quand ils sont jeunes, et puis, ben, tu sais, ils viennent les chercher, mais en même temps, on pourrait dire la même chose, nous. On les prend Benjamin, on les prend cadet, mais hop, ils vont finir midget espoir ou bantam 3, j'y perds, puis, tu sais, c'est pas comme ça, c'est un développement, le jeune est rendu à une autre étape, et puis, Les volets changent un petit peu, donc comme je disais tantôt, faut trouver un moyen de s'adapter, mais c'est sûr et certain que la question se pose. Simon, on se reparle jeudi prochain avec le premier compte-rendu de ce qui s'est passé. Merci. Simon Godreau des Aigles de Robert-Val.